بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 50 dans la lecture du livre عمدة الأحكام. Et عمدة الأحكام, comme on le sait, c'est un livre de hadith qui se concentre uniquement sur les hadiths des règles de la religion. Comment faire la purification, comment faire la salat, le jeûne, le hajj, les cinq piliers de l'islam, puis après les mu'amalat, tout ce qui a rapport avec les règles du fiqh. Mais c'est des hadiths authentiques de Al-Bukhari et Muslim, écrits par le Cheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi, un grand muhaddith parmi les muhaddithines. Et on est rendu au chapitre. On est toujours dans le chapitre de la salat, Kitab al-Salat, mais en particulier dans un sous-chapitre au sujet de la récitation dans la salat. Donc c'est quoi la sunna au sujet de la récitation du Coran pendant la salat, c'est-à-dire quelle sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il récitait, la longueur de chaque prière, combien de temps on doit, à peu près quelle longueur on doit réciter pour chaque prière. Et ainsi de suite. Donc le cheikh, on est rendu maintenant au hadith numéro 95, et c'est un hadith rapporté par Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu. Il dit qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi fatihati al-kitab wa suratayn yutawwilu fi al-ula ويقصر في الثانية ويسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعة الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. Donc ici, le cheikh, il rapporte ce hadith qui est rapporté par Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux premières rak'at de salat al-dhuhr, il récitait la fatiha du livre, c'est-à-dire al-fatiha, et deux sourates, c'est-à-dire une sourate après al-fatiha. Et dans la deuxième rak'at, aussi al-fatiha puis une sourate après. Dans la première rak'at, il prolongeait la récitation. Dans la deuxième rak'at, il raccourcissait la récitation. C'est-à-dire que la deuxième rak'at, il récitait une sourate qui est plus courte que dans la première rak'at. Et il dit wa yusmi'una al-aya ahyanan, c'est-à-dire que de temps en temps, il nous laissait entendre le verset. C'est-à-dire que malgré qu'on sait que Salat al-Dhuhr, c'est une prière qui est faite à voix basse, mais ça arrivait que parfois il laissait entendre un verset pendant la récitation. Donc c'est comme si par exemple il dit, il récite à voix basse, il va laisser entendre un peu le verset, il va réciter un petit peu plus fort certains versets, juste comme ça. Et après il dit, donc ça c'était pour la prière de Dhuhr. Après il dit, et pour la prière de Asr, il récitait également la Fatiha et deux sourates, c'est-à-dire une sourate dans la première rak'at après la Fatiha, et dans la deuxième rak'at il récitait la Fatiha puis une autre sourate aussi. Et la première était plus longue que la deuxième. Et il dit, et les deux autres rak'at, pour le dhuhr et l'asr, il récitait seulement la fatiha. Et ça, c'est par rapport à ce qui est mentionné dans ce hadith-là. On sait que dans d'autres hadiths, il y a l'explication du fait que parfois, il pouvait réciter aussi une autre sourate aussi dans la troisième, dans la quatrième, après la fatiha, comme c'est connu dans le livre de Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, de Sheikh al-Albani. Après, il dit donc que dans la première rak'at il prolongeait, dans la deuxième rak'at il raccourcissait la récitation par rapport à la première, et dans les deux, dans les deux autres, dans les deux dernières, la troisième et la quatrième rak'at de Dhuhr et Asr, il récitait la Fatiha, et il dit وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فِي صَلَاتِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. Donc, quand c'était la prière de Fajr, hein, ou bien on peut l'appeler Salat al-Subh, ou bien on peut l'appeler Salat al-Asr, Salat al-Subh ou al-Fajr, et il prolongeait dans la première raka'a, c'est-à-dire il récitait plus longtemps, puis il raccourcissait dans la deuxième raka'a, il récitait moins longtemps dans la deuxième que dans la première. D'accord? Donc ça c'est le hadith. Maintenant, le sens général de ce hadith, le Cheikh Abdullah al-Bassam, qui fait le charh de ce hadith, il explique maintenant le sens général. المعنى الإجمالي لهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة وغيرها من القرآن في الركعة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر لكون الناس في أول العبادة أنشط وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة خشية السأم والملل من المصلين لهذه الحكمة وأيضا ليدرك المتخلفين كل الصلاة كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها وإن وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه والخضوع والطاعة لأحكام الله هي المقصد الأسمى من العبادة وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في الصبح في صلاة الصبح فيطيل قراءة الأولى على الثانية وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانا ليعلم أنه يقرأ فيقتضوا به. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il tenait compte dans sa salat du bienfait général de ceux qui priaient derrière lui, et c'est pour cette raison là que dans son habitude il récitait une sourate après sourate al-fatiha, يعني بعد sourate al-fatiha غيرها من القرآن. Donc il récitait une autre sourate après la Fatiha dans les deux premiers rak'a de Salat al-Zuhr et de Salat al-Asr. Et la raison de ça, c'est parce que les gens sont habituellement plus motivés dans le début de la prière, tandis que dans les deux dernières rak'a, il récitait seulement la Fatiha pour éviter d'ennuyer les gens ou de prolonger inutilement la prière. Et donc ça fait partie de la sagesse parmi les exemples pourquoi le prophète Sam faisait cela. Il y a aussi le fait que pour donner la chance à ceux qui viennent en retard pour pouvoir attraper la prière, le fait que la première raka'a est plus longue, c'est plus facile pour eux d'attraper la prière, éviter de manquer une trop grande partie de la salat. Donc le fait que ils prolongent qu'il prolonge la récitation dans la première raka, ça fait en sorte que des gens puissent rattraper la prière dans le début, pour qu'ils puissent attraper le début de la prière. Donc c'est bien de pas trop raccourcir la première raka, la récitation, parce que sinon tu raccourcis trop la première raka, eh bien c'est sûr que les gens automatiquement ils manquent la première raka'a, donc ils arrivent en retard, ils sont obligés de rattraper par la suite. Donc aussi le cheikh il mentionne le fait que donc il rallongeait la prière et il prolongeait aussi la longueur de la, il récitait des versets plus longs dans la première raka'a que dans la deuxième. Et il y a derrière la législation de ces règles là beaucoup de sagesse et des secrets et des règles, des bienfaits qui font que le croyant, lorsqu'il entend ça, il est tranquillisé, il est satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. et il se soumet et il obéit aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le plus grand objectif et le plus grand but dans l'adoration. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait également la même chose dans la prière de Subh, le matin, à l'aube. Il prolongeait la récitation de la première rak'a et il la faisait plus longue que la deuxième rak'a. Et sa récitation pour le Dhuhr et l'Asr était silencieuse, c'est-à-dire il récitait pas à voix haute pour le Dhuhr et l'Asr, sauf que parfois il pouvait laisser entendre certains versets pour que les gens puissent suivre son exemple. Ensuite, le cheikh il mentionne les règles qu'on peut tirer de ce hadith. Et il a mentionné 7. Premièrement, le cheikh il dit: "Awwalan mashru'iyyatu al-qira'ati ba'da al-fatihati fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salat adh-dhuhri wal-'asr." C'est-à-dire il est légiféré de réciter la Fatiha. Il est légiféré de réciter après la Fatiha des deux premières rak'at dans la salat une autre sourate. Dans la prière de Dhuhr et l'Asr. Donc dans les deux premières rak'at, tu récites une autre sourate après la Fatiha. Aussi, ce n'est pas une sourate, ce n'est pas obligé d'être une sourate. Ça peut être quelques versets aussi. Tu n'es pas obligé de réciter une sourate au complet, tu peux réciter une partie ou quelques versets. Deuxièmement, « Istihbabu l'iqtisari ala al-fatihati fi al-rak'atayn al-ukhrayayn minhuma » C'est-à-dire, dans le deuxième point, c'est qu'il est recommandé de se limiter à la récitation de la Fatiha dans les deux dernières rak'a de la prière, quand c'est le Dhuhr et l'Asr, et l'Isha ou le Maghreb. Et il dit ensuite, رقم ثلاثة التطويل أو تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاة الظهر والعصر. De prolonger la première rak'a par rapport à la deuxième dans Salat al-Dhuhr et dans Salat al-Asr. Rabi'an, istihbab al-israr bihatayn al-salatayn. Il est recommandé de ne pas rester à haute voix dans ces deux salats. Al-Dhuhr ou al-Asr, on récite à voix basse. Khamisan, jawazu al-jahri bi ba'd al-ayati wa khasatan li qasd al-ta'lim. Donc, cinquièmement, la permission de laisser entendre quelques versets pendant la récitation de la prière de Dhuhr et l'Asr, en particulier pour dans l'intention ou dans le but de faire apprendre. Rakam sitta istihbab tatwil ar-rak'ati al-ula 'ala ath-thaniya min salat as-subhi. C'est-à-dire il est recommandé aussi dans la prière de l'aube de prolonger la première rak'at par rapport à la deuxième dans la prière de subh, c'est-à-dire de l'aube. Et sabi'an, قال النووي الوجه الثاني انه يستحب تطويل القراءه في الركعه الاولى قصدا وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنه. Donc le septième point, c'est que qu'est-ce que l'imam an-Nawawi il mentionne du deuxième point de vue, c'est que il est recommandé de prolonger la récitation dans la première rak'a volontairement. Et c'est ça qui est la position choisie, et c'est ce qui est en accord avec qu'est-ce qui est apparent de la sunna. Le hadith suivant est rapporté selon Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يقرأ في المغرب بالطور. Donc Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, il dit qu'il a entendu réciter le prophète sallallahu alayhi wa sallam la sourate At-Tur dans la prière de Maghrib. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter pour la prière de Maghrib sourate At-Tur. Et At-Tur, c'est quand même une sourate qui est relativement moyenne. C'est pas parmi les plus longues, mais c'est pas non plus parmi les comme s'il est très courte, elle est une longueur moyenne parmi les dernières sourates de la fin du Coran. Donc juste pour vous montrer par exemple At-Tur, bon, je ne vais pas la réciter, c'est juste pour vous montrer le nombre de versets qu'il y a dedans. il y a dedans 49 versets. 49 versets. Donc ça équivaut dans le mushaf à 2 pages et demie. 2 pages et demie. Donc c'est quand même une sourate qui est assez longue pour Salat al-Maghrib. Donc s'il dit ici qu'il récitait Salat al-Maghrib avec At-Tur, ça veut dire qu'il récitait pour la Salat de Maghrib au complet, probablement qu'il la récitait en deux parties. Donc peut-être qu'il récitait dans la première partie yani une page et demie, puis dans la deuxième rak'a une page. Hein? Yani environ comme ça, à peu près. Et il dit donc « Al-ma'na al-ijmali » العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس ولكنه قد يترك العادة فيقصر في حقه أو فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز ولأغراض أخرى كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل وهو من طوال المفصل. Donc ici le cheikh il explique que l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la salat al-subh il prolongeait la récitation, puis la prière de maghrib il raccourcissait, hein, il récitait moins long pour le maghrib, puis pour les autres prières, les autres prières comme Zohr et l'Asr et l'Isha, il faisait moyen, hein, entre les deux. Et le cheikh dit que parfois, par contre, ça arrivait qu'il pouvait laisser son habitude et raccourcir la prière qu'il avait l'habitude de prolonger pour montrer que c'est permis de le faire, ou bien pour d'autres raisons. De même que parfois, il pouvait prolonger une prière dans laquelle il avait l'habitude de raccourcir, comme l'exemple de la récitation de Surat At-Tur pour le Maghrib par exemple. Et on sait que At-Tur il dit c'est min tiwal al-mufassal, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Al-mufassal, c'est les dernières sourates dans le Coran, on appelle al-mufassal. Et il y a trois longueurs. Il y a qisar al-mufassal qui sont dans le juz amma à la fin. Et il y a al-mutawassit, hein, min al-mufassal, qu'est-ce qui est intermédiaire. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on trouve dans, par exemple, juz tabarak, hein, et puis aussi qad sami', il y en a une partie des sourates là-dedans qui la dernière moitié qui est relativement courte, une page ou une page et demie. Et il y a tiwal al-mufassal, hein, qui sont un peu plus longues à partir de, par exemple, Al-Hujurat, Al-Dhariyat et les sourates qui sont après. Donc ça c'est yani les longueurs approximatives. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en grande partie du temps quand il récitait dans la prière, il récitait des prières des sourates de Al-Mufassal. Il récitait des petites sourates, des sourates courtes de la fin du Coran. Et une des raisons pourquoi il faisait ça, c'est parce que dans ces versets là, la plupart des sujets qui sont adressés dans ces sujets-là, c'est des sujets qui renforcent la foi et qui touchent à la foi, qui ont rapport avec le tawhid, qui ont rapport avec l'iman bil yawm al-akhir, qui ont rapport avec le rappel de la foi. Donc ça touche plus, hein, le cœur. Et en même temps aussi, étant donné qu'elles sont courtes, elles sont plus faciles à mémoriser et c'est bon pour les gens de les entendre souvent pour se rappeler en même temps de la récitation. Donc les ulama, ils répètent toujours donc l'importance de réciter de ces parties des versets qui sont al-mufassal, c'est-à-dire les versets qui sont courts à la fin du Coran. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire. Après, le cheikh il dit wa ma yu'khadhu min al-hadith. Donc il a mentionné deux points ici. An al-mashru' huwa al-jahr fi salat al-maghrib wa thaniyan jawaz italat al-qira'ati fiha. Donc les deux points qu'on peut tirer de ce hadith là, c'est premièrement qu'il est légiféré de réciter à haute voix dans Salat al-Maghrib, et aussi qu'il est légiféré et qu'il est permis de prolonger la prière, la récitation dans la prière de Maghrib, ce qui est bien entendu contraire à l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il l'a mentionné pour faire savoir que c'est permis de le faire. Il l'a mentionné pour faire savoir que c'est permis de le faire. Le hadith numéro 97, الحديث السابع والتسعون إلذي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا ou qira'atan minhu. Donc il dit ici, l'imam Abdul Ghani, il rapporte selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et il a récité dans la salat al-isha la récitation, il a récité dans une des deux rak'at, des deux premières rak'at, la surat wat-tini wa-zaytoun. Et il a dit, et je n'ai jamais entendu de plus belle voix ou de plus belle récitation que la sienne. Sallallahu alayhi wa sallam. Le sens général de ce hadith, il dit, Surat al-Tin min qisar al-mufassal allati tuqra'u fi salat al-maghrib wa qad qara'a biha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam في صلاة العشاء لأنه كان في سفر والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث عن الخشوع وإحضار القلب على سماع القرآن وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة. Donc le cheikh il dit, le sens général de ce hadith, c'est que surat al-tin, ça fait partie des qisar al-mufassal, comme on a dit tout à l'heure. Qisar, c'est le pluriel de qasir. Qasir, ce qui veut dire courte, donc qisar al-mufassal, donc les sourds qui sont les versets qui sont mufassal dans les sourds al-mufassal, c'est-à-dire mufassal qui sont détaillés et dont les versets sont coupés, bien coupés, bien détaillés. Et ici le cheikh explique donc qu'il récitait At-Tin. At-Tin fait partie des courtes parmi les mufassal et il la récitait dans Salat al-Maghrib. Et donc c'est ça, le cheikh il dit qu'il récitait dans Salat al-Maghrib, donc il récitait Surat al-Tin. Et il dit, le cheikh ici, qu'il a récité pendant la prière de Isha et il était en voyage. Et il dit qu'en voyage, on doit tenir compte de l'allègement et la facilité. Pourquoi ? Parce que il y a déjà la difficulté et la fatigue du voyage. Donc tu tiens compte de ça et donc tu vas alléger ta récitation et tu vas faciliter les choses. Tu vas pas prolonger ta prière ou prier en une longue récitation alors que tu es en voyage, déjà les autres qui sont là présents avec toi sont fatigués. Donc tu tiens compte de leur situation et de leur état aussi. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il est recommandé de raccourcir la prière en voyage. Donc au lieu de faire 4 raka'a pour le Isha, tu vas faire 2 raka'a. Et il dit, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et qu'il raccourcissait la prière pour faciliter les choses aux gens, mais ça n'empêchait pas qu'il faisait qu'est-ce qu'il pouvait faire en sorte que les gens soient plus humbles et plus concentrés dans leur prière, en embellissant sa récitation et en faisant en sorte que il y ait la présence du cœur dans l'écoute du Coran qui est récité avec une belle voix dans la récitation de la salat. Ensuite, le cheikh il dit ma yukhazu min al hadith, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith là. Il dit awalan jawazu qira'ati qisar al mufassal fi salat al isha, wa thaniyan an al ahsan takhfif al salat fi al safar wa mura'atu hal al musafirin walau kana 'inda al imam rahbatun fi at-tatwil, wa thalithan istihbab tahsin as-sawt fi al-qira'ati walau fi as-salati li'annahu yab'athu 'ala al-khushu' wal-hudur. Donc le cheikh il dit les trois points que on peut tirer de ce hadith là. Bon, je les ai lus tout d'un coup pour que, parce que c'est pas long. Premièrement, la permission de réciter les petites sourates al-mufassal lorsqu'on fait salat al-isha. Deuxièmement, il est mieux d'alléger la salat pendant le voyage pour tenir compte de l'état des voyageurs. Parce il dit walau kana 'inda al-imam, il dit même si l'imam il a une envie de prolonger, il va pas prolonger, il va tenir compte de l'état des voyageurs puis il va garder la récitation courte. Et thalithan istihbab tahsin as-sawt fi al-qira'ati walau fi as-salah li'annahu yab'athu 'ala al-khushu' wal-hudur. Donc il est recommandé d'embellir la voix dans la récitation, même dans la salat, parce que c'est quelque chose qui incite à la présence du cœur et la concentration, hein, l'humilité et la concentration. Le hadith suivant qui est le hadith suivant qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد, فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك, فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه, أخبروه أن الله تعالى يحبه. Donc le cheikh ici rapporte ce hadith qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un régiment et il a placé sur ce régiment un homme sur eux comme leur chef, comme leur amir. Et cet amir, dans le voyage, même si c'est une expédition militaire, hein, c'est cet amir-là, c'est lui qui va les diriger dans la salat pendant le voyage. Hein, c'est lui qui va être leur imam dans la salat. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois qu'il récitait la prière avec eux et qu'il dirigeait la prière avec eux? Il récitait le Coran. Donc il récitait une sourate. Il récitait la Fatiha, il récitait une sourate, puis il terminait toujours sa récitation avec Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lorsqu'ils sont revenus à Médine, ils ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, la personne que tu nous as mis comme amir, quand elle dirigeait dans la salat, à chaque fois elle terminait par Qul huwa Allahu ahad. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demandez-lui pourquoi il faisait ça. Alors ils lui ont posé la question. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parce que c'est l'attribut de Ar-Rahman, c'est l'attribut d'Allah. Qul huwa Allahu ahad, c'est l'attribut d'Allah. Ça décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, hein, il a dit c'est la tribu d'Allah et j'aime la réciter. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit informez-le que Allah l'aime. Informez-le que Allah l'aime. Subhanallah. Donc, parce que lui, il aimait réciter cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, informez-la que Allah l'aime. Le cheikh, il dit, pour expliquer le sens de ce hadith, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على سرية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على سرية ومن عادة الأمراء أنهم هم الأئمة في الصلاة والمفتون لفضل علمهم ودينهم فكان يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية من كل صلاة فلما رجعوا من غزوتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك أهو لمحض المصادفة أم لشيء من الدواعي فقال الأمير صنعت ذلك لاشتمالها على صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب تكرارها لذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه كما كرر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن فإن الله يحبه ويا لها من فضيلة سبحان الله. Imaginez que on vous apprend ou que quelqu'un, le prophète صلى الله عليه وسلم vous informe et vous dit Allah t'aime. يعني سبحان الله. Est-ce qu'il y a un mérite plus grand que ça? Yani, subhanallah. Donc le cheikh il explique que, comme je disais tout à l'heure, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désignait quelqu'un comme amir sur un régiment ou sur un groupe d'entre les sahaba, il partait dans une expédition, il choisissait un d'entre eux pour être leur amir, pour être leur chef dans le voyage, l'expédition. Et habituellement, c'est celui qui est choisi comme amir, c'est lui qui est imam dans la salat. Et c'est lui qui répond aux questions s'il y a des fatwas à donner ou des choses de ce genre. Donc, on choisit toujours celui qui a le plus de science et la meilleure religion pour être amir en général dans des situations pareilles. Et le cheikh, il dit donc, il récitait cet imam ou ce sahabi, il récitait « Qul huwa Allahu ahad » dans la deuxième raka'a. C'est-à-dire, dans toutes les prières, il récitait « Qul huwa Allahu ahad » dans la deuxième raka'a. Alors, lorsqu'ils sont revenus de leur expédition, ils ont dit au messager d'Allah que ce sahabi, il récite toujours « Qul huwa Allahu ahad » dans toutes les prières pour terminer la récitation. Alors, ils ont dit « Demandez-lui, il a dit, demandez-lui pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est par hasard c'est-à-dire, il fait ça comme ça, puis ça tombe comme par hasard qu'il a récité ça. Ou bien c'est quelque chose qui le motive à faire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le pousse à faire ça ou qui le motive à faire ça? Alors, l'amir a répondu et il a dit, j'aime la réciter en particulier cette sourate parce que elle comprend l'attribut d'Allah, Ar-Rahman. Elle contient l'attribut d'Allah. Et, j'aime la réciter. Parce que la sourate au complet, elle parle uniquement d'Allah. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Il n'y a pas d'autre sujet que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate. Et le fait qu'il est unique, et ainsi de suite. Donc, il a dit, moi j'aime cette sourate, parce qu'elle elle mentionne l'attribut d'Allah. Elle mentionne les informations à propos d'Allah. Et moi, donc, il a dit, moi, je l'aime pour ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, informez-le que, de la même manière qu'il récite continuellement cette sourate par son amour pour l'attribut d'Allah, eh bien, dites-lui que, également, Allah l'aime. Et comme est immense, donc, ce mérite, pour cette personne. Ensuite, il a mentionné quelques points par rapport à ce verset-là, ou par rapport à ce hadith-là plutôt. Et on va s'arrêter, on va lire ça, puis après on va s'arrêter, inshallah, pour aujourd'hui. Le cheikh, il dit, et donc il a mentionné 7 points par rapport à ce hadith. أولا جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض. Donc il dit premièrement la permission de réciter des courtes parmi les mufassal, les courtes sourates, même dans autre que salat al-maghrib pour les prières obligatoires. ثانيا فضل صلاة الإخلاص واستحباب قراءتها. Donc le mérite de surat al-ikhlas et le fait qu'il est recommandé de la réciter. Donc le mérite de réciter surat al-ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, et le fait qu'il est recommandé de la réciter. Troisièmement, أَنَّ تَفْضِيلْ بَعْدَ الْقُرْآنَ عَلَى بَعْدْ عَائِدٌ لِمَا يَحْتَوِي عَلَيْهِ الْمُفَضَّلْ مِنْ تَمْجِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ الْكَرِيمَةُ الْجَلِيلَةُ تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك والصمدية المثبتة لله جميع صفات الكمال ونفي الوالد والولد الذي هو من لوازم غناه ونفي الكفء المتضمن نفي المشابهة والمماثل والنظير ولهذا أو ولذا فهي تعدل ثلث القرآن. Donc il dit que le fait qu'on préfère certaines parties du Coran par rapport à d'autres, ça revient à quoi? Il dit ça revient à ce qui est contenu dans ces versets là qui sont préférés, de la glorification d'Allah et des éloges qu'on fait à Allah. Donc ça c'est les raisons pourquoi on doit préférer certains versets sur d'autres par rapport à qu'est-ce qu'ils contiennent comme glorification d'Allah. Et il dit que cette sourate en particulier, sourate al-Ikhlas, elle comprend et elle contient les principes du tawhid, de l'unicité d'Allah et de la croyance et de la croyance et de la connaissance à propos d'Allah. Il est donc obligatoire d'affirmer pour le Seigneur qu'il est unique, c'est-à-dire qu'est-ce qui oppose le shirk, et également qu'il est yani le seul qui doit être invoqué et qui possède tous les attributs de perfection et nier toute imperfection yani comme la négation du fait d'avoir été engendré ou d'avoir engendré ou d'avoir été engendré. Donc il n'a pas de père, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de père. Lam yalid wa lam yulad. Et ça fait partie des implications du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est al-ghani, fait qu'il est celui qui se suffit à lui-même, et également la négation de tout semblable et de toute comparable, de semblable à Allah. Allah n'a aucun, il n'y a rien qui lui est comparable, il n'y a rien qui lui est semblable, il n'y a rien qui lui est équivalent ou égal. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et ça comprend ou ça implique la négation de toute ressemblance, toute comparaison et tout égo à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas d'égo, ni de comparable, ni de semblable. Et ça, c'est pour la raison pour laquelle cette sourate, elle représente le tiers du Coran. رابعاً أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد مع تكرارها. Donc le cheikh il dit que on doit regarder les œuvres et que ces œuvres que quelqu'un fait, elles sont écrites et leurs récompenses, elles sont mentionnées à cause des choses qui accompagnent ces causes-là, comme bonne intention par exemple. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à la personne pour quelle raison il faisait ça. Il a dit, demandez-lui pourquoi il fait ça. Donc ça c'est, yani, qu'est-ce qui vient confirmer la récompense de cette personne-là du fait qu'elle le fait avec une intention qui est bonne et yani, quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. Parce que certaines personnes, parmi les gens de l'égarement, hein, ils essaient parfois d'utiliser ce genre d'histoire pour essayer de justifier des innovations. Ils vont dire, regardez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois certains sahabas faisaient des choses sans savoir si ces choses-là étaient correctes ou légiférées auparavant. Puis, après, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuvait de ces choses-là. Donc, ils essaient d'utiliser ça comme argument pour dire, ça c'est la preuve que on a le droit d'inventer des choses puis qu'il y a des bonnes bid'a dans la religion. Et la réponse à ça, c'est qu'il y a une différence entre qu'est-ce que quelqu'un peut inventer à l'époque ou qu'est-ce que quelqu'un peut faire par ijtihad à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant sa vie, il est présent, donc il confirme ou parfois certains vont faire quelque chose de leur propre initiative par ijtihad sans avoir de référence dans le Coran et dans la Sunna, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamne ce qu'ils font. Hein? Donc, il y a les deux exemples. Et dans les deux cas, il faut se rappeler d'une chose, c'est que à l'époque des sahaba, on est dans l'époque qu'on appelle Zaman al-Tashri'. Les ulama, ils disent ça, c'est l'époque du Tashri', c'est-à-dire l'époque de la révélation et de la législation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours vivant pour corriger et clarifier les choses si jamais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Alors, on ne peut pas utiliser cet argument-là qui était un exemple qui s'est produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était vivant pour justifier quelque chose que quelqu'un voudrait inventer aujourd'hui qui serait en contradiction avec le Coran et la Sunna. D'accord ? Ou bien quelque chose que quelqu'un considère comme étant bon, sauf qu'il n'y a aucune référence ou de preuve pour le supporter dans le Coran et dans la Sunna encore une fois. Donc ça c'est tout à fait inacceptable. Puis d'utiliser ça comme exemple, c'est comme essayer de justifier quelque chose par quelque chose qui n'a aucun rapport. Hein. Donc par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois hommes qui sont venus voir son épouse pendant qu'il n'était pas là. Ils ont demandé comment était l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha radiallahu anha, elle a répondu par qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle sait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait comme adoration. Alors eux, ils ont vu comme si c'était petit. Comme dans le hadith, qu'annahum istaqalluha. Ils ont trouvé que ce n'était pas suffisant pour eux, dans le sens qu'ils ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a été pardonné ses péchés passés et futurs, et qu'il faisait ça comme adoration, bien nous, on doit faire plus que ça encore, on doit faire plus que lui. Et là, ils ont dit, il y en a un qui a dit, par exemple, moi, je ne vais pas dormir la nuit, je vais prier toutes les nuits. Et l'autre, il a dit, moi, je n'épouse plus de femmes. Et l'autre, il a dit, moi, je ne vais pas manger de viande. Ou bien il y en a un qui a dit, moi je vais jeûner tout le temps. Je ne vais jamais cesser le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il était en colère. Il a fait un discours pour avertir les gens. Il a dit, ma balu aqwamin. Qu'est-ce qu'il y a avec des gens qui disent telle ou telle chose? Des fois moi je dors et des fois je prie. Et des fois je jeûne et des fois je ne jeûne pas. Et j'épouse des femmes. Il dit, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui préfère autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Donc c'est pour dire des choses que certaines personnes peuvent faire de leur propre initiative et par ijtihad. Parfois ça peut être approuvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce cas-là ça fait partie de la sunna. Et on a le droit de le faire. Et parfois certains ont fait des choses en son absence et il ne les a pas approuvées. Il les a critiqués, il les a condamnés. Donc c'est la preuve que leur argument est faux et qu'on ne peut pas justifier des œuvres qui n'ont pas été légiférées sans preuve. Ensuite, les trois derniers points que le cheikh il a mentionné au sujet de ce hadith, أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين. Il dit que il faut que les gens qui ont des responsabilités de gouvernance et de dirigeance fassent partie des gens de la science, des gens de l'excellence et des gens du bien et de la religion. Ça, c'est l'idéal. Si c'est pas le cas, eh bien, au moins qu'il soit avec, en présence de gens, ou qu'il ait recours aux gens de science. C'est-à-dire que si les gens qui sont au pouvoir ne sont pas eux-mêmes des savants de la religion, mais qu'ils se réfèrent et qu'ils aient comme conseillers au moins des gens qui possèdent la science pour être capables justement de poser les questions, pour pouvoir clarifier les sujets dont ils ont besoin pour leur voyage et des situations qui se présentent. Le point numéro 6, annahu man ahabba sifatillah wa tadhawwaqa halawata munajatihi biha fallahu yuhibbuh li'anna al-jaza'a min jins al-'amal. Donc le cheikh il dit, donc quiconque aime les attributs d'Allah et qui a goûté la douceur de pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ces noms-là, alors dans ce cas-là, Allah va l'aimer. Et il dit, parce que la récompense correspond toujours à l'action. Donc celui qui aime, qui fait quelque chose qui est bien et qui aime Allah, eh bien Allah il le récompense par le fait que lui aussi il va l'aimer et il va aimer ce qu'il fait. Et le dernier point, le point numéro 7, إن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا يعد وشاية ولا نميمة. نعم. Ici donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il mentionne que le fait de mentionner aux grands dirigeants les actions de ses députés, ça ne correspond pas ou ça n'a pas rapport avec la médisance. C'est-à-dire, comme dans ce voyage-là ou cette expédition, les gens, quand ils sont revenus, ils sont allés voir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire au messager qu'est-ce que l'amir faisait pendant son voyage. C'est-à-dire, ils ont dit, il récitait telle et telle sourate. Donc ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parler sur ce dirigeant-là, sur ce responsable-là. Et le cheikh explique que ça c'est la preuve que s'il y a un responsable ou un dirigeant qui a été désigné par le chef de l'État pour aller régler quelque chose ou pour faire quelque chose ou pour être responsable d'un régiment ou d'un groupe, eh bien on a le droit d'aller voir le responsable supérieur, son supérieur, pour faire part à ce supérieur de certaines choses qui se sont passées avec la personne en question pour pouvoir justement réparer la situation ou corriger la situation si c'est nécessaire. Donc il n'y a pas de médisance là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça fait partie de la médisance, mais au contraire, ça fait partie... au contraire du bon conseil et du fait de retourner à l'autorité pour régler des problèmes. Parce que si les responsables sont au courant et qu'ils savent qu'il y a un problème quelconque, eh bien ils vont pouvoir le régler. Ils vont pouvoir le régler plus facilement. Tandis que si c'est quelque chose qui n'est pas réglé ou qu'on n'en parle pas avec les responsables, ça risque d'être laissé et de s'empirer ou de pas être corrigé. Donc ça, je pense que pour aujourd'hui, ça va être suffisant, inshallah. On continuera la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.